الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. الدعاء الدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة. والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. Donc le texte inshallah qu'on va voir aujourd'hui, on va lire la signification en français, qui veut dire: parmi les différentes façons, les différentes manières d'adoration prescrites par Allah, tels que l'islam, la foi et l'excellence, il y a en outre l'invocation, la peur, l'espérance, la confiance, l'aspiration, la crainte, la révérence, l'appréhension, le repentir, la supplication, l'appel de refuge, l'appel du secours, le sacrifice, le vœu et tout autant, et tout autre sorte d'adoration prescrite par Allah en exaltation pour lui et son nom divin. Voici l'évidence d'Allah le Très-Haut dans le Coran. Oui, et les mosquées sont pour Allah. N'invoquez donc pas dans vos prières personne d'autre avec Dieu. Celui donc qui prodigue et offre ses prières à d'autres qu'Allah est polythéiste et mécréant. L'invocation. Voici l'évidence d'Allah que son nom soit loué. Quiconque invoque un autre Dieu avec Allah sans en posséder une preuve évidente, son compte lui sera réglé par Allah, son Seigneur Dieu, car les mécréants ne prospèrent jamais. Et dans le hadith, il est dit: l'invocation est le cerveau de l'adoration. Voici les évidences divines dans le Saint-Coran. Et votre Seigneur a dit: invoquez-moi, je vous répondrai, ceux qui se refuseront par orgueil de m'adorer entreront bientôt en enfer avec humiliation. Donc inshallah on va voir le commentaire de Cheikh Ibn Baz hafizahullah pour ce passage de ce livre. Donc l'auteur il dit: wa anwa'ul ibadah, et les sortes d'adoration. قال الشيخ بن باز: العبادة أنواع, l'adoration c'est plusieurs sortes. فمنها الإسلام بأركانه. Parmi elles, il y a l'islam. Et l'islam, comme vous savez, inshallah, n'est pas la traduction du terme islam arabe. Hein? Ce n'est qu'une répétition du terme arabe. Il n'a pas été traduit. Et la vraie traduction et la plus proche du terme arabe, c'est la soumission complète de l'homme envers son Seigneur. C'est ça la signification de l'islam. C'est l'islam. C'est une soumission de l'être humain envers son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Une soumission complète. La soumission des membres, la soumission de la tête, la soumission du moral, de tout. Tout doit être soumis, hein, à Allah subhanahu wa ta'ala. Bi arkanihi, avec ses piliers. Wa arkanu l'islam, c'est arkan al-khamsa. Les cinq piliers de l'islam. Les deux attestations. Qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Muhammad est son messager. La salat, le zakat, le saum et le hajj. فكل ما أمر الله به من أعمال الإسلام عبادة. Tout ce qu'Allah a ordonné parmi les actes, hein, c'est une adoration. من صلاة وصوم وغير ذلك. Que ce soit la salat ou le jeûne ou autre chose. وهكذا الإيمان. De même, on est pour la foi. بأعماله الباطنة. Avec ses actes intérieurs. كالإيمان بالله, comme la foi en Allah, وملائكته, et en ses anges, وكتبه, et en ses livres, ورسله, et en ses messagers, واليوم الآخر, et au jour dernier, والإيمان بالقدر خيره وشره, et la foi au destin, qu'il soit bon ou mauvais, وكذلك الخوف, et de même pour la peur, وَالْمَحَبَّةِ et l'amour, وَالْرَجَاءِ et l'espérance, إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ, et il y en a encore bien d'autres. فَكُلُّ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْقُلُوبِ, tout ce qui concerne les cœurs, دَاخِلٌ فِي الْعِبَادَةِ, entre dans ce terme général qui est l'adoration. بَلْ هُوَ وَهَاكَذَا الْإِحْسَانِ, de même pour l'excellence. Mais l'excellence, il faut le comprendre, parce que la traduction d'excellence, parce que le terme ihsan, c'est un terme qui est dur à traduire. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a expliqué. وَهُوَ أَن تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. C'est d'adorer Allah comme si tu le voyais. Car si toi tu ne le vois pas, lui il te voit. C'est ça, l'ihsan. Donc c'est d'arriver à adorer Allah jusqu'à que tu es conscient qu'Allah subhanahu wa ta'ala te voit, même si toi tu ne le vois pas. Donc ça c'est l'ihsan. أن تعبد الله كأنك تراه, que tu adores Allah comme si tu le voyais. وهذا أيضا من العبادة, et ceci aussi fait partie de l'adoration. بل هو أعلى أنواع العبادة وأعظمها, mais en plus de cela, c'est le plus haut des sortes d'adoration et la plus grande sorte d'adoration. Donc tu arrives à ces degrés-là. فالواجب على كل مكلف. Donc il est une obligation, un devoir pour toute personne. المكلف, c'est la personne qui est arrivée en âge, hein, dont les règles et les prescriptions islamiques lui sont devenues obligatoires. C'est ce qu'on appelle à l'âge de la puberté. Lorsque l'homme il a sa raison et qu'il arrive en âge de puberté, hein, les devoirs islamiques, hein, et c'est à partir de là qu'il aura des comptes à rendre sur ce qu'il fait. Et il est responsable de ses actes. Donc là, en arabe, on appelle mukallaf. En français, un terme bien explicite pour ça. C'est un arabe, je ne connais pas. Si on veut. Donc, il y a devoir pour chaque personne responsable. Donc vous avez compris quand même le sens. Responsable. إخلاص العبادة لله وحده, une sincérité dans l'adoration d'Allah seul. Car vous savez que les actes, les bonnes œuvres, une œuvre, on dit que c'est une bonne œuvre que si elle a deux grandes conditions. La première, c'est quoi? L'ikhlas, la sincérité. Car tout acte qui n'est pas fait avec sincérité n'est pas accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la première chose qui est demandée, c'est la sincérité, que cette œuvre là soit faite pour Allah subhanahu wa ta'ala. Même si elle est faite pour Allah et pour quelqu'un d'autre, Allah n'en peut pas, Allah ne l'accepte pas, hein? الإخلاص الإخلاص ما شاء الله يدمون يجي لدليل دو الإخلاص. الله يقول في القرآن فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. C'est celui qui espère la rencontre de son Seigneur, qu'il fasse une bonne œuvre et qu'il n'associe rien à Allah dans son adoration. Donc pour que ton œuvre soit acceptée, la première grande condition c'est quoi? C'est la sincérité. Et la deuxième, c'est une conformité complète avec la tradition du prophète alayhi wa sallam. Car toute œuvre qui n'est pas conforme à l'enseignement et à la sunna du prophète alayhi wa sallam, elle est à rejeter. Man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd, ay mardoudun alayhi, mardoudun ala sahibih. Quiconque fait un acte qui ne fait pas partie de nos enseignements est à rejeter. Donc c'est pour cela qu'il faut savoir qu'une bonne œuvre, c'est lorsqu'elle a ces deux conditions, une sincérité et une conformité à la sunna du prophète alayhi salatu wa salam. Fala yad'u ma'allah al-anbiya, il n'invoque pas avec Allah les prophètes, wala al-awliya, ni les saints, wala al-asnam, ni les idoles, wala al-ashjar, ni les arbres, wala al-ahjar, ni les pierres, wala al-nujum, ni les étoiles, لأن العبادة حق لله وحده, car l'adoration est un droit exclusif à Allah seul. قال تعالى, le Très-Haut a dit, وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. Et certes, les mosquées appartiennent à Allah, donc n'invoquez personne avec Allah. وقال تعالى, et le Très-Haut a dit, إياك نعبد وإياك نستعين. C'est toi exclusivement que nous adorons et c'est toi exclusivement que nous demandons et c'est à toi exclusivement que nous demandons secours. Et ici il faut savoir une chose, c'est que en langue arabe le COD al-maf'ul bihi, s'il précède s'il précède la phrase, c'est pour montrer une chose. C'est quoi? C'est que si Allah avait dit na'buduka wa nasta'inu bika, c'est-à-dire c'est toi que nous adorons et c'est à toi que nous demandons secours, eh bien cela ne fermerait pas la porte à quelqu'un qui voudrait dire mais on pourrait adorer quelqu'un d'autre avec Allah et on pourrait demander secours à autre qu'Allah, puisque là Allah a dit seulement c'est toi que nous adorons, mais ça n'empêche pas qu'on peut adorer quelqu'un d'autre. Mais lorsque le COD a précédé la phrase, ceci ferme la porte. Et cela, c'est une exclusivité que la ibada et que l'isti'ana la takunu illa billahi wahda. Là, la porte elle est fermée, toute personne peut rajouter quelque chose. Là, c'est seulement exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, même dans la tournure de la phrase, elle a son explication. Est-ce que vous avez compris? وقال تعالى فلتخوى دي ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. Il n'invoque pas hormis Allah ce qui ne pourrait pas te ramener ni de bien ni pourrait te faire de mal, car si tu le fais tu serais alors parmi les injustes. وقال سبحانه وتعالى, et le très glorifié et le très haut a dit, وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. Et quiconque invoque avec Allah une autre divinité dont il n'a pas de preuve évidente dessus, certes son jugement sera auprès d'Allah. Certes, les mécréants ne réussiront pas. C'est une approche. Hein. Sachez que toute traduction n'est qu'une approche. C'est pour ça qu'on pousse toujours les frères et nous-mêmes à s'approfondir et à étudier la langue arabe. C'est seulement une approche, c'est seulement une aide pour pouvoir comprendre le texte. Wa qala azza wa jal. Et Allah dit dans le Coran, ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. Ce verset-là, je ne serai pas de le traduire, mais je peux vous dire le contenu de ce verset. Là, Allah subhanahu wa ta'ala avertit ceux qui invoquent quelqu'un d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ou qu'ils invoquent quelqu'un avec Allah subhanahu wa ta'ala, alors que ces choses-là n'entendent pas les invocations des gens. Ces choses-là, ils ne pourront exaucer les demandes de ceux qui les invoquent. Et le jour du jugement dernier, ils renieront ces gens qui les ont invoqués. Et Allah subhanahu wa ta'ala est le meilleur qui puisse nous l'annoncer. فسمى سبحانه دعاءهم شركا. Le très glorifié a appelé leur dua, leur invocation, hein, que c'était du polythéisme. Mais c'est ceci, quelqu'un pourrait dire, mais pourquoi l'auteur, à l'origine, il touche beaucoup à ce domaine-là? Et ce domaine-là rentre dans le tawhid de l'ibad. Pour ces pierres-là, non, mais pour qu'elles intercèdent auprès d'Allah seulement. Ma na'abuduhum illa lituqarribuna ila Allahi zulfa. Nous les adorons que pour qu'ils soient intercesseurs auprès d'Allah. Eux, en dernier lieu, celui qu'ils adoraient, c'était Allah. Mais leur tête, elle les a poussés à faire quoi? À prendre des divinités entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala. Et combien vous les voyez aujourd'hui qui vont dans les tombes, qui vont chez Sidi Flan ou la Cheikh Flan, et lorsque tu leur parles, dis, mais tu n'as pas compris, c'est pas les tombes qu'on adore. On veut que ces gens qui sont dans les tombes intercèdent auprès d'Allah. Eh bien, c'est la même chose, c'est la même raison qui les a poussés. Même si l'image, elle change, mais le fond, c'est toujours le même. Et c'est pour ça que c'est très grave. Et Mohammed ibn Abdul Wahhab, comme on a vu au début avec les frères, l'époque où ils vivaient, c'est l'époque où le polythéisme, le grand polythéisme, pas seulement le petit polythéisme, le grand polythéisme était répandu dans toute la péninsule arabique. Donc, alhamdulillah, il est venu pour réformer cette religion, réformer le tawhid. Et c'est pour ça qu'il faut pour cela qu'il touche beaucoup à ce domaine-là, car c'est le plus important domaine. Il faut que le musulman comprenne une chose dans sa tombe. Les trois questions qui lui sont posées, trois questions. Qui est ton Seigneur? Quel est ton prophète? Quelle est ta religion? On te demandera qui était présent dans tel pays ou qu'est-ce qui se passe dans tel pays, et ainsi de suite. Ça, Allah ne te le demandera pas. Et si Allah a décidé que c'est ces trois questions qui te sont posées à ta tombe, c'est pour leur importance. Et comme vous savez, comme disait un savant d'avant, Al-ilmu in talabtahu kathiru wal-umru an tahsilihi qasiru faqaddim al-aham minhu fal-aham. La science, si tu la cherches, elle est immense. Tu ne pourras pas l'amasser entièrement. Et la vie pour l'amasser est courte. Fais passer le plus important au plus important. Et le plus important dans ce bas monde, c'est de connaître son Seigneur. Ar-Rahman, fas'al bihi khabira. C'est ton Seigneur le premier que tu dois connaître. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Sache qu'il n'y a de Dieu qu'Allah. C'est ça la première des choses. C'est de connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Et de connaître son prophète et de connaître la religion islamique. Avec les preuves des évidences. Et c'est pour cela qu'il a écrit son livre, Usul al-Thalatha. Je répète un peu pour certains frères qui étaient là déjà au début des cours, parce qu'on en avait déjà parlé, mais c'est pour montrer l'importance de ce livre-là. Thalathat al-Usul, ce sont les trois fondements essentiels sur lesquels l'islam est basé. Pour ça, il ne faut pas s'amuser à attaquer des domaines qui sont au-dessus de notre capacité. Chacun doit aller à son degré et avec ses capacités. Craignez Allah comme vous le pouvez. Allah ne nous a pas imposé. Nous, notre problème, c'est que des fois on va attaquer des choses qu'Allah ne nous a pas imposées. Et les choses qu'Allah nous a imposées, on les délaisse. Donc ça, c'est très grave. Pourquoi? C'est parce qu'on veut suivre soit notre passion, soit nos sentiments, ou soit nos tentations, et ainsi de suite. Ou alors les shayatin min al-ins wal jinn, ou le nefs, alors que normalement, il nous est interdit de suivre ça. Il nous a été ordonné de suivre la révélation. Et tabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. suivez ce qui vous a été révélé par votre Seigneur et ne suivez pas autre chose hormis ce qui vous a été révélé. Est-ce que vous ne réfléchissez pas? Ou alors vous réfléchissez très peu? C'est l'importance de ce domaine-là, de bien l'étudier, mais l'étudier convenablement. C'est vrai, c'est pas avec moi que j'aime l'étudier. Là, c'est vraiment. On se débrouille avec, comme on dit, les moyens du bord, hein, avec ce qu'on peut faire. Mais l'essentiel, il faut aller après voir les ulama, les savants, et leur demander, les questionner. Eux ont la clé des réponses, des questions qu'on se pose. Pas n'importe qui les a ces réponses-là. C'est ça que l'importance du ilm. Vous savez, l'homme, excusez-moi si j'ouvre une parenthèse, mais c'est quand même important de les ouvrir. L'homme qui est dans le Sahih Bukhari, où le prophète sallam raconte l'histoire de l'homme des enfants d'Israël qui avait tué 99 vies. Et il a été demandé quel est le plus savant pour se repentir. Ils l'ont dirigé vers qui? Vers un adorateur. L'adoration avec ignorance, un petit peu. Allah n'en veut pas. Allah veut être adoré, mais avec connaissance. Allah, il veut que tu lui attestes l'unicité, mais avec connaissance. Wa'alam annahu la ilaha illallah. Il faut le savoir s'il est le Dieu unique. Donc, cet homme-là, il a été voir cet adorateur-là. Il a dit non, toi tu n'as pas de repentir. Tu as tué 39 personnes, c'est fini pour toi. Qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il l'a tué, il en a fini sans avec. Après, son repentir, il lui est revenu. Et il a demandé encore quel est le plus grand savant. Et ils l'ont dirigé vers un grand savant. Et là, il a été vers un savant, et le savant lui a donné sa réponse. Il lui a dit, et qui peut se mettre entre toi et Allah pour te repentir? Sauf que tu te trouves dans un endroit mauvais. Va dans tes villages où les gens adorent Allah, et reste avec eux jusqu'à ce que la mort te vienne. Et en chemin, la mort lui est venue. En chemin, la mort lui est venue. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala, là il y a eu les anges de la miséricorde et les anges du châtiment qui se sont disputés cette personne. Les anges du châtiment ont dit, il n'a jamais fait de bien, c'est à nous de le prendre. Et les anges de la miséricorde, ils ont dit, mais il s'est repenti, et en plus de cela, il allait vers tel village pour adorer Allah, donc c'est à nous de le prendre. Et là, Allah envoya un ange comme arbitre entre ces deux parties, et il leur a dit, vérifiez la distance qu'il y a depuis là où il vient jusqu'à là où il est mort, et de là où il est mort jusqu'à là où il allait, et regardez la moindre distance, c'est celle qui l'emportera. Et ils ont remarqué que de là où il était plus près du village où il allait, et c'est les anges de la miséricorde qui l'ont pris. C'est pour vous dire quoi? Vous dire que les savants, c'est eux qui peuvent vraiment répondre aux questions. Et même des questions des fois qu'on dit, non, celle-là, c'est n'importe qui pourrait répondre. C'est faux. Parce que ça, c'est d'après ta tête à toi que tu t'es dit ça. Tahsabunahu hayyinan wa huwa 'inda Allahi 'azim. Vous pensez que c'est minime. Alors qu'au présent d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est énorme. Combien de choses. Et vous savez que l'homme qui était avec les Sahaba dans un groupe, il revenait d'une bataille, il était blessé à la tête. Et il se levait le matin, il était à la janaba. C'est-à-dire qu'il était obligé de faire le rusul. Et il a demandé aux compagnons, il leur a dit, est-ce que je peux faire le tayammum? Ils m'ont dit non, tu es obligé de faire le rusul. Et il est parti, il a fait le rusul. Et à cause de ses blessures sur la tête, il en est mort. Lorsqu'ils sont venus à Médine, ils l'ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Qataluhu qatalahumullah. Ala sa'alu hina jahilu fa innama shifa'a al-'ayy as-su'al. Il a dit quoi? Ils l'ont tué qu'Allah les combatte. Pourquoi n'ont-ils pas demandé lorsqu'ils n'ont pas su? Car le remède de l'ignorance, c'est de poser la question. Non, c'est pour cela qu'il faut toujours revenir aux ulama. Notre problème à nous, c'est qu'on préfère suivre le nefs, on préfère suivre le hawa, on préfère suivre le hamas ou le shahawat. Alors que non, on n'a pas le droit. Il faut toujours en revenir aux ulama et avoir confiance en ces savants. Le problème, c'est qu'on essaye de nous enlever cette confiance des savants. Et sachez une chose, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans son hadith, « Laysa minna man lam yuwaqqir kabirana » ne fait pas partie de nous celui qui ne respecte pas le plus âgé, qui n'est pas clément avec le plus jeune et qui ne donne pas à notre savant sa valeur ou son droit. Donc ça, il faut le savoir, ça. Donc ça, c'était une parenthèse que je préférais ouvrir parce que beaucoup de frères souvent ils tombent dans ces erreurs là donc à chaque fois qu'on a des parenthèses, le problème c'est qu'on sait plus où on en était. Bon. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a appelé leur invocation du polythéisme. فَالْوَاجِبْ عَلَى جَمِيعِ الْمُكَلَّفِينَ. Il est un devoir pour toutes les personnes responsables, tous les musulmans responsables. إِخْلَاصْ الْعِبَادَ لِلَّهِ وَحْدَهِ. La sincérité dans l'adoration d'Allah seul. رَجَاءً وَخَوْفًا. Que ce soit dans l'espoir, l'espérance et la peur. وَاسْتِعَانَةً وَاسْتِغَاثَةً. Ou dans la demande de l'aide ou la demande du secours. وَذَبْحًا وَنَذْرًا. Ou dans l'offrande ou dans le vœu. وَخَشْيَةً لِلَّهِ. Ou dans l'humilité envers Allah. وَصَلَاةً وَصَوْمًا. Ou ce soit dans la salat ou dans le jeûne. Il a réalisé ذلك. C'est-à-dire toutes ces œuvres-là doivent être faites avec une sincérité pour Allah seul. كله لله وحده. Tout ceci pour Allah seul. فمن تقرب لغير الله. Celui qui s'est rapproché vers autre qu'Allah. من ولي. Que ce soit un saint ou un nabi ou un prophète ou صنم ou une idole ou شجر ou un arbre ou حجر ou une pierre. بِالدُّعَى. Avec invocation. أو بِالذَّبْحِ. Ou en lui offrant une offrande. أو بِالنَّذْرِ. Ou un vœu. أو بِالصَّلَاةِ. أو بِالصَّمْ. Ou avec la salat ou avec le jeûne. وَنَحْوَ ذَلِكَ. Ou ce qui lui est semblable. فَهُوَ مُشْرِكٌ كَافِرٌ. C'est un polythéiste mécréant. أَشْرَكَ بِاللَّهِ. Il a fait de l'association à Allah. وَعَبَدَ مَعَهُ سِوَاهُ. Et il a adoré avec lui un semblable autre que lui, si vous voyez, autre. Et l'adorer avec lui autre que lui. كَفِعْلِ الْمُشْرِكِينَ الْأَوَّلِينَ. Comme ont fait les premiers polythéistes. مِنْ عُبَّادِ الْقُبُورِ. Ceux qui adoraient les tombes. وَعُبَّادِ الْأَشْجَارِ. Et ceux qui adoraient les arbres. وَالْأَحْجَارِ. Et les pierres. وَالْأَصْنَامِ. Et les idoles. وَلِهَذَا قَالَ عَزَّ وَجَلَّ. Et c'est pour cela qu'Allah a dit وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Et s'ils font de l'association, toutes leurs œuvres tomberaient à néant. وقال تعالى, et le Très-Haut a dit, إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. Certes, celui qui associe à Allah, Allah lui a interdit le paradis et sa demeure sera le feu. وقال سبحانه وتعالى, et le très glorifié, le très haut a dit وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَعْبُدْ وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ. Et certainement il t'a été révélé ainsi qu'à ceux qui sont venus avant toi que si tu associes Allah, et ça c'est un Allah subhanahu wa ta'ala parle à son prophète Mohammed sallam, que ça doit être pour nous, hein? Que si tu associes quoi que ce soit, ton œuvre tomberait à néant et tu serais parmi les perdants. Mais c'est Allah que tu dois adorer et sois parmi ceux qui remercient. Donc, on revient au texte. Wa anwa'ul ibada. Et les sortes d'adoration allati amara Allahu biha, qu'Allah a ordonné, مثل l'islam, comme l'islam, la soumission, wal iman, et la foi, wal ihsan, et l'excellence, on l'avait expliqué tout à l'heure. Wa minhu ad-du'a. Et parmi cela, il y a ad-du'a wal khawf. Tous ces termes-là, on les a traduits tout à l'heure au début du cours. Donc là, je ne les traduis pas. Wa minhu ad-du'a wal khawf. La vocation et la peur. Donc là, Cheikh Ben Baz continue dans son commentaire, Hafizallah, en disant فَكُلُّ هَذِهِ الْعِبَادَاتِ. Donc toutes ces adorations, يَجِبُ إِخْلَاصُهَا لِلَّهِ. Il est un devoir de les rendre à Allah avec sincérité. وَمَنْ صَرَفَ مِنْهَا شَيْئًا لِغَيْرِ اللَّهِ. Et celui qui en a fait pour autre qu'Allah, qui a fait parmi ses adorations, il en a fait pour autre qu'Allah, que ce soit pour min sanamin, pour une idole, ou shajarin, ou un arbre, ou hajarin, ou une pierre, ou qabrin, ou une tombe, fa huwa mushrikun billah, il est un associateur à un polythéiste. Il a fait de l'association et du polythéisme envers Allah. Donc, et dans le texte, donc, Cheikh Mohammed Abdel Wahhab, rahimahullah, continue: Wal khashyatu wal inabatu wal isti'anatu wal isti'azatu wal istighathatu wal zabhu wal nadru wa ghayru dhalika min al ibadati allati amara Allah biha kulluha lillah wa dalil qawluhu ta'ala wa anna al masajida lillah fala tad'u ma'a Allah ahada فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر والدليل قوله تعالى إلى الشيخ بن باز لقوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون Et quiconque invoque un autre Dieu qu'Allah ou un autre Dieu avec Allah alors qu'il n'en a aucune preuve évidente, son jugement sera auprès d'Allah, certes les mécréants ne réussiront pas. Et pour bien d'autres versets qui ont déjà été cités, et le verset qui est cité, c'est une preuve évidente du Coran pour ce qui a été précité. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وفي الحديث الدعاء مخ العبادة et donc dans le hadith il y a الدعاء l'invocation مخ العبادة et le cerveau de ça veut dire et l'essence même de العبادة de l'adoration donc Cheikh Ibn Baz dit وفي لفظ آخر Et dans une autre version, dans une autre parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ad-du'a huwa al-ibada. L'invocation, c'est l'adoration. Donc là, al-mu'alliq. Il y a une annotation de ceux qui ont fait, les deux personnes qui ont fait les annotations de ce livre, qui précise que ce hadith, qui est cité par Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahmallah, du'a mukhul ibada. L'invocation est le cerveau ou l'essence de l'adoration, que c'est un hadith. Rawahu al-Tirmidhi, rapporté par l'imam Tirmidhi. D'après Anas, min hadithi Anas. D'après Anas ibn Malik, radiallahu ta'ala an. Wal hadithu fihi ibn Lahi'a. Dans ce hadith, il y a dans sa chaîne de narration un homme qui s'appelle ibn Lahi'a. Wa huwa da'if. Et il est faible. D'accord ? Donc là, celui qui fait l'annotation, il précise bien. Et ce hadith-là, qu'a da'afahu al-Sheikh Mohammed Nasruddin al-Albani, hafidhahullah. C'est un hadith qui est da'if, qui est faible. Et en plus de cela, on a un autre hadith qui est sahih, hein, et qui veut dire à peu près la même chose. Donc mieux vaut citer le deuxième hadith qui est que Cheikh Ben Baz a rapporté, qui est Ad-du'a huwa al-ibadah. Donc qui est celui-là qui est authentique. L'invocation, c'est l'adoration. وقال سبحانه le très glorifié a dit وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين donc et votre Seigneur vous a demandé invoquez-moi je vous exaucerai certes ceux qui s'enorgueillent de mon adoration entreront dans la jihen, dans l'enfer. فسمى الدعاء عبادة. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset, il a appelé le du'a, l'invocation, عبادة, que c'est une adoration. في قوله, dans sa parole, إن الذين يستكبرون عن عبادتي. Parce qu'il aura ordonné à ses serviteurs de l'invoquer. Et après il a dit, certes ceux qui s'enorgueillent de mon adoration. Et si mon adoration retourne au terme Ad'ouni. Donc c'est Ad-du'a, Ibadah. Donc là, même dans le verset coranique, il est fait allusion que Ad-du'a, c'est Ibadah. Ya'ni, An-du'a'i. Le Cheikh Ben Baz continue dans son commentaire. C'est-à-dire, ceux qui s'enorgueillent contre mon invocation. Fad-du'a, huwa an yadra'a ila Allahi yad'ouh. Donc l'invocation, c'est une humilité envers Allah en l'invoquant. et il lui demande la réussite, et il lui demande la subsistance. Tout ceci est une adoration. Alors si jamais il la donne au, cette invocation au, à l'idole, ou à l'arbre, ou à la pierre, ou pour un mort, صار مشركا بالله عز وجل, il devient un polythéiste, un associateur à Allah عز وجل, فيجب الحذر من الشرك كله, et il est un devoir de faire attention à toute forme de polythéisme, دقيقه وجليله, que ce soit un polythéisme minime ou grand. وان تكون العبادة لله وحده, et que l'adoration soit pour Allah seul, لكن دعاء الحي الحاضر القادر, mais d'interpeller un vivant présent et qui est capable, والاستعانة به في الشيء المقدور عليه, ou de lui demander aide dans une dans un domaine où il en est capable de venir en aide, لا بأس به, ceci il n'y a pas de mal, ولا يعتبر داخلا في الشرك, et ceci n'entre pas dans le polythéisme. Alors si tu dis à ton frère Al-Hadir présent, Ya Abdallah, ô serviteur d'Allah, aide-moi pour couper cet arbre, ou pour creuser ce puits, il n'y a pas de mal dans cela. Comme قال سبحانه في قصة موسى, comme le très glorifié a dit dans l'histoire de Moïse, فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه, donc celui qui faisait partie de son peuple, hein, lui a demandé secours contre celui qui faisait partie de ses ennemis. Donc là c'est une demande de secours et d'aide, mais là c'est dans un domaine, c'est dans un domaine ou un point dont l'homme il est présent, vivant, et il en est capable. Mais de demander à un mort ou demander à une personne qui est absente, hein, ça c'est interdit. Et en plus de cela, demander des choses où il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui peut les exaucer, ça, ça ne fait que rajouter dans le mal et dans le péché. Istaghathahu al-Israiliyu 'ala al-Qibti, le fils d'Israël, parce que Moïse faisait partie des enfants d'Israël, donc son peuple c'était les enfants d'Israël, le fils d'Israël lui a demandé son secours contre le Copte. Le Copte c'était le peuple, les peuples de Pharaon, c'était les Coptes. Ils sont, c'est la communauté minoritaire qui se trouve toujours en Égypte. Les Coptes, ce sont le peuple de, des Pharaons, c'était les Coptes. Non. Hmm? Non, mais après ils ont été christianisés. Sinon, c'est à l'origine, ce peuple-là, cette race-là, c'est la race des pharaons, des peuples de pharaons, qui gouvernaient l'Égypte à l'époque. لأن موسى قادر على إغاثته, car Moussa est capable, à la capacité de lui venir en aide. يتكلم ويسمع, il parle et il entend. أما إذا اعتمد على المخلوق, mais si il s'en remet à la créature, فيما لا يقدر عليه إلا الله, dans ce quoi il n'y a qu'Allah qui peut en venir, حاضرا أو غائبا أو ميتا, et que cette personne-là qu'elle soit présente ou qu'elle soit absente ou qu'elle soit morte, واعتقد أنه ينفع مع دعاء, et en étant convaincu qu'il pourra lui servir dans son appel, أو يضره, ou faire du mal, la bil asbab al hissiya min al shirk billah. J'ai pas compris là. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Amma idha tamada ala al makhluq min yaqdiru alayhi illa Allah hadiran wa ghaiban wa mithl wa a'taqada annahu yanfa'u man da'ah wa yadurru la bil asbab al hissiya min al shirk billah. Ceci fait partie du polythéisme à Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu penses qu'il peut amener du bien ou peut amener du mal dans un domaine où il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui peut le ramener. كما قال تعالى عنهم أنهم قالوا كما الله a dit sur eux. Sur eux, c'est-à-dire sur les mouchriquins Quraysh. Lorsqu'ils ont dit هؤلاء شفعاؤنا عند الله, ils ne sont que des intercesseurs pour nous auprès d'Allah. En parlant de leurs idoles. فيظنون أنهم يستطيعون بعبادتهم إياهم أن يشفعوا لهم عند الله. Ils pensent qu'ils sont capables, lorsque eux ils les adorent, qu'ils intercéderont auprès d'Allah في حصول مطالبهم, pour avoir ce qu'ils veulent, أو أنهم يقربونهم إلى الله زلفا, ou alors ils vont les rapprocher d'Allah. En les adorant et en les invoquant, ils pensent que ces idoles-là, elles vont intercéder vers Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il rapproche ses créatures vers lui. Comme Allah subhanahu wa anhu fil ayat al-ukhra, comme Allah a dit sur eux dans l'autre verset, ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa. Nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent d'Allah. وهذا من جهلهم وضلالهم. Et ceci fait partie de leurs ignorances et de leur égarement. بالشافع والمشفوع إليه. Parce que shafa'a, intercession, il y a. Le prophète intercédera. Il y aura des personnes qui intercéderont. Mais avec la permission de qui? D'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah permet l'intercession à qui il veut. D'accord? والله سبحانه له الشفاعة جميعا. Et à Allah appartient toute l'intercession. Et c'est lui qui décide de toutes choses sur ses serviteurs comme il veut. Car Allah n'est pas questionné. C'est nous qui serons questionnés. Ça ne veut pas l'oublier. Donc Allah ne permettra l'intercession que à qui il a été satisfait de son action. ولا يشفع أحد عنده إلا بعد إذنه. Et personne ne peut intercéder si ce n'est qu'après sa permission, la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. كما قال تعالى, comme Allah a dit, من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. Quiconque pourrait intercéder auprès de lui si ce n'est par sa permission. وقال تعالى, et le Très-Haut a dit, ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. Et ne pourront intercéder que pour ceux à qui Allah a été satisfait. Ceux qu'Allah a voulu que l'intercession les touche, eux seront touchés par l'intercession. Donc l'intercession n'est pour celui qui pourra intercéder que lorsqu'Allah lui a donné la permission. Et lorsqu'Allah a été satisfait de celui qui sera touché par cette intercession. Wa huwa subhanahu la yarda bish-shafa'a illa li ahli at-tawhid. Mais Allah n'est satisfait et n'accepte l'intercession que pour les gens qui ont voué l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pas pour le mushriki, hein? Seulement pour ceux qui ont fait l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Kama sahha anhu sallallahu alayhi wa sallam, comme il a été authentifié dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, annahu qal, qu'il a dit, lamma sa'alahu Abu Huraira taqailan, lorsqu'Abu Huraira radiyallahu anhu lui a demandé, man as'adu an-nas bi shafa'atika ya Rasulallah, quelle est la meilleure personne, la personne la plus heureuse de ton intercession au messager d'Allah? Qal, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Il a dit, c'est celui qui a dit la ilaha illallah avec sincérité de son cœur. Akhrajahu al-Bukhari fi sahih, il a été rapporté par al-Bukhari dans son authentique. Wa la takunu ash-shafa'atu illa liman radiya qawluhu wa 'amalahu min ahli at-tawhid wal iman. Et l'intercession ne sera que pour celui à qui Allah était satisfait de sa parole et de son acte, min ahli at-tawhid wal iman, parmi les gens de l'unicité et de la foi. ومع هذا نكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.